He's got so much pain in his heart. So much pain when I saw his underpants was white. And this guy got it in 1 week non-stop on him. The white underpants, so he's going more and more black every day. So the underpants is not white anymore, and you see what I'm gonna say. You're gonna sleep soon. Semaine, toute la journée, alors que moi je parle en anglais. Ne me traite pas de slip man. Et non, je suis pas un slip man. Ne me traite pas de slip. Je porte pas de slip blanc. Je porte pas de slip blanc. Toute la semaine. Je porte pas de slip blanc toute la semaine. Ne me traite pas de gars porteur de slip. Porteur de slip chaque jour. Hey man, don't say that I got underpants every day. The white underpants, man. Ne dis pas. Ne dis pas que je porte des slips chaque jour. Ne dis pas que je porte des slips blancs. C'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Alors te moque pas de moi. Je fais des affaires à Tati. J'achète des trucs cool. Des slips avec des poches dedans. Pour cacher des boulettes de chien. Yeah, yeah. No way. Je porte des slips blancs. Avec des poches dedans. Je porte des slips blancs. Avec des poches dedans. Je cache des cigarettes. Cache des. Et oui, je prends deux fois ma taille. Je prends des slips sophistiqués. Je prends des slips sophistiqués. Avec une dizaine de poches. Je prends des slips sophistiqués. Avec des poches cachées. Je prends prend des slips sophistiqués. Et je t'ai vu à la plage la dernière fois. Tu portais un slip de bain fluorescent. Tu te croyais intéressant. Avec un slip de bain fluorescent, tu te croyais intéressant. Je t'ai pas grillé avec ton slip fluorescent. Tu faisais ton intéressant. Tu marchais à la Aldo. Il marchait à la Aldo. Son slip n'était pas récent. Il faisait l'intéressant. Mais son slip n'était pas récent. Avec son slip fluorescent, because if I stay here to say I go sleep, I will never go sleep now. If I stay here, I have to go sleep now. Oh, I never will go. My neighbor going to be crazy.

a song called Mistreated. Thank you.